Le voyage sentimental de Stern, chapitre 36. Le nain. Je n'ai jamais vu dire que quelqu'un, si ce n'est une seule personne, que je nommerai probablement dans ce chapitre, eût fait une remarque que je fis au moment même que je jetais les yeux sur le parterre. Je ne me souvenais même pas trop qu'on l'eût faite. Et le jeu inconcevable de la nature en formant un si grand nombre de nains m'en frappa plus vivement. Elle se joue, sans doute, de tous les pauvres humains dans tous les coins de l'univers, mais à Paris, il semble qu'elle ne mette point de borne à ses amusements. La bonne déesse paraît aussi gaie qu'elle est sage. J'étais à l'opéra comique, mais toutes mes idées n'y étaient pas renfermées. Et elle se promenait dehors comme si j'y avais été moi-même. Je mesurais, j'examinais tous ceux que je rencontrais dans les rues. C'était une tâche mélancolique, surtout quand la taille était petite. Le visage très brun, les yeux vifs, le nez long, les dents gâtées, la mâchoire de travers. Je souffrais de voir tant de malheureux que la force des accidents avait chassé de la classe où ils devaient être, pour les contraindre à faire nombre dans une autre. Les uns, à 50 ans, paraissent à peine être des enfants par leur taille, les autres étaient noués, rachitiques, bossus, ou avaient les jambes tortues. Ceux-ci étaient arrêtés dans leur croissance dès l'âge de 6 ou 7 ans, par les mains de la nature. Cela ressemblait à des pommiers nains, qui, dès leur première existence, font voir qu'ils ne parviendront jamais à la hauteur commune des autres arbres de la même espèce. Un médecin voyageur dirait peut-être que tout cela ne provient que de bandages mal faits et mal appliqués. Un médecin sombre dirait que c'est faute d'air, et un voyageur curieux, pour appuyer ce système, se mettrait à mesurer la hauteur des maisons, le peu de largeur des rues, et la petitesse extrême des bouges, où au 6e ou 7e étage les gens du peuple mangent et couchent ensemble. Monsieur Shandy, qui avait sur bien des choses des idées fort extraordinaires, soutenait, en causant un soir sur cette matière, que les enfants pouvaient devenir fort grands lorsqu'ils étaient venus au monde sans accident. Mais, ajoutait-il en plaisantant, le malheur des habitants de Paris est d'être si étroitement logés que je m'étonne qu'ils y trouvent assez de place pour faire même leurs enfants. Aussi, que font-ils? Des riens. Car n'est-ce pas ainsi, après 25 ans de tendres soins et de bonne nourriture, qu'on doit appeler une chose qui n'est pas devenue plus haute que la jambe? Monsieur Shandy, qui était toujours très laconique, en resta là, et il ne dit rien des moyens qu'il y aurait de rendre les hommes plus géants que nains. Je n'en dirai rien moi-même, ce n'est pas ici un ouvrage de raisonnement, et je m'en tiens à la fidélité de la remarque qui peut se vérifier dans toutes les rues et dans tous les carrefours de Paris. Je descendais un jour de la place du Palais-Royal, au quai du Louvre, par la rue Froidmanteau. J'aperçus un petit garçon qui avait de la peine à passer le ruisseau, et je lui tendis la main pour l'aider. Quelle fut ma surprise en jetant les yeux sur lui. Le petit garçon avait au moins 40 ans. « Mais il importe, dis-je. Quelque autre bonne âme en fera autant pour moi quand j'en aurai 90. Je sens en moi je ne sais quel principe d'égard et de compassion pour cette portion défectueuse et diminutive de mon espèce. » Ils n'ont ni la force ni la taille pour se pousser et pour figurer dans le monde. Je n'aime point qu'on les humilie. Et je ne fus pas sitôt assis à côté de mon vieil officier que j'eus le chagrin de voir qu'on se moquait d'un bossu au bas de la loge où nous étions. Il y a entre l'orchestre et la première loge de côté un espace où beaucoup de spectateurs se réfugient, quand il n'y a plus de place ailleurs. On y est debout, quoiqu'on paye plus cher que dans l'orchestre. Un pauvre air de cette espèce, c'était glissé dans ce lieu incommode. Il était entouré de personnes qui avaient au moins 2 pieds et demi de plus que lui. Et le nain bossu souffrait prodigieusement. Mais ce qui le gênait le plus était un homme de plus de 6 pieds de haut, épais à proportion, allemand par-dessus tout cela, qui était précisément devant lui et lui dérobait absolument la vue du théâtre et des acteurs. Mon nain faisait ce qu'il pouvait pour jeter un coup d'œil sur ce qui se passait. Il cherchait à profiter des ouvertures qui se faisaient quelquefois entre les bras de l'Allemand et son corps. Il guettait d'un côté, était à l'affût de l'autre, mais ses soins étaient inutiles. L'Allemand se tenait massivement dans une attitude carrée. Il aurait été aussi bien au fond d'un puits. Fatigué enfin de ne point voir, il étendit en haut très civilement sa main jusqu'au bras du géant, et lui conta sa peine. L'Allemand tourne la tête, jette en bas les yeux sur lui, comme Goliath sur David, et sans sentiment se remet dans sa situation. Je prenais en ce moment une prise de tabac dans la tabatière de corne du bon moine. À votre esprit doux et poli, mon cher P. Laurent, et qui est si bien modelé pour supporter et pour souffrir, aurait prêté une oreille complaisante aux plaintes de ce pauvre nain. Le vieil officier me vit lever les yeux avec émotion en faisant cette apostrophe, et me demanda ce qu'il y avait. Je lui contai l'histoire en 3 mots, en ajoutant que cela était inhumain. Le nain était poussé à bout, et dans les premiers transports, qui sont communément déraisonnables, il dit à l'Allemand qu'il couperait sa longue queue avec ses ciseaux. L'Allemand le regarda froidement et lui dit qu'il était le maître, s'il pouvait y atteindre. Oh, quand l'injure est suivie de l'insulte, tout homme qui a du sentiment prend le parti de celui qui est offensé, tel qu'il soit, et j'aurais volontiers sauté en bas pour aller au secours de l'opprimé. Le vieil officier le soulagea avec beaucoup moins de fracas. Il fit signe à la sentinelle et lui montra le lieu où se passait la scène. La sentinelle y pénétra. Il n'y avait pas besoin d'explication, la chose était visible. Le soldat fit reculer l'Allemand et plaça le nain devant l'épais géant. « Cela est bien fait, m'écriai-je, en frappant des mains. « Vous ne souffririez pas une chose semblable en Angleterre, dit le vieil officier. « En Angleterre, monsieur, lui dis-je, nous sommes tous assis à notre aise. » Il voulut apparemment me donner quelque satisfaction de moi-même et me dit « Voilà un bon mot. » Je le regardai, et je vis bien qu'un bon mot a toujours sa valeur à Paris. Il m'offrit une prise de tabac. Chapitre 37. La rose. Mon tour vint de demander au vieil officier ce qu'il y avait. J'entendais de tous côtés crier du parterre « Haut les mains, monsieur l'abbé !» Et cela m'était tout aussi incompréhensible qu'il avait peu compris ce que j'avais dit en parlant du moine. Il me dit que c'était apparemment quelque abbé qui se trouvait placé dans une loge derrière quelque grisette et que le parterre, l'ayant vu, il voulait qu'il tînt ses 2 mains en l'air pendant la représentation. « Ah, comment soupçonner, dis-je, qu'un ecclésiastique puisse être un filou ?» L'officier sourit. Et en me parlant à l'oreille, il m'ouvrit une porte de connaissance dont je n'avais pas encore eu la moindre idée. « Bon Dieu, dis-je en pâlissant d'étonnement, est-il possible qu'un peuple rempli de sentiments ait en même temps des idées si étranges, et qu'il se démente jusqu'à ce point ?»« Quelle grossièreté » ajoutai-je. L'officier me dit « C'est une raillerie piquante qui a commencé au théâtre contre les ecclésiastiques, du temps que Molière donna son Tartuffe. » Mais cela se passe peu à peu avec le reste de nos mœurs gothiques. Chaque nation, continua-t-il, a des raffinements et des grossièretés qui règnent pendant quelque temps et se perdent par la suite. J'ai été dans plusieurs pays et je n'en ai pas vu un seul où je n'ai trouvé des délicatesses qui manquaient dans d'autres. Le pour et le contre se trouvent dans chaque nation. Il y a une balance de bien et de mal partout. Il ne s'agit que de la bien observer. C'est le vrai préservatif des préjugés que le vulgaire d'une nation prend contre une autre. Un voyageur a l'avantage de voir beaucoup et de pouvoir faire parallèle des hommes et de leurs mœurs, et par là il apprend à savoir vivre, et à nous entre-souffrir. Une tolérance réciproque nous engage à nous entraîner. Il me fit, en disant cela, une inclination, et me quitta. Il me tint ce discours avec tant de candeur et de bon sens qu'il justifia les impressions favorables que j'avais eues de son caractère. Je croyais aimer l'homme, mais je craignais de me méprendre sur l'objet. Il venait de tracer ma façon de penser propre. Je n'aurais pas pu l'exprimer aussi bien. C'était la seule différence. Rien n'est si incommode pour un cavalier que d'avoir un cheval entre ses jambes qui dresse les oreilles et fait des écarts à chaque objet qu'il aperçoit. Cela m'inquiète fort peu, mais j'avoue franchement que j'ai rougi plus d'une fois pendant le premier mois que j'ai passé à Paris d'entendre prononcer de certains mots auxquels je n'étais pas accoutumé. Je croyais qu'ils étaient indécents, et ils me soulevaient. Mais je trouvais le second mois qu'ils étaient sans conséquence et me blessaient point la pudeur. Madame de R, après 6 semaines de connaissance, me fit l'honneur de me mener avec elle, à 2 lieues de Paris, dans sa voiture. On ne peut être plus polie, plus vertueuse et plus modeste qu'elle dans ses expressions. En revenant, elle me pria de tirer le cordon. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» lui dis-je. « Rien que de... » dit-elle. Une prude aurait déguisé la chose sous le nom de son petit tour. Ami voyageur, ne troublez point Madame de R. Et vous, belle nymphe, qui faites les mystérieuses, allez cueillir des roses et feuillez-les sur le sentier où vous vous arrêterez. Madame de R n'en fit pas davantage. Je lui avais aidé à descendre le carrosse, et j'eusse été le prêtre de la chaise Castali, que je ne me serais pas tenu dans une attitude plus décente et plus respectueuse près de sa fontaine. Chapitre 38. La femme de chambre. Ce que le vieil officier venait de me dire sur les voyages me fit souvenir des avis que Polonius donnait à son frère sur le même sujet. Ces avis me rappelèrent Hamlet, et Hamlet retraça à ma mémoire les autres ouvrages de Shakespeare. J'entrai en retournant dans la boutique d'un libraire sur le quai de Conti pour acheter les œuvres de ce poète anglais. Le libraire me dit qu'il n'en avait pas de complète. « Comment, lui dis-je, en voilà un exemplaire sur votre comptoir. Cela est vrai, mais il n'est pas à moi. C'est monsieur le comte de B qui me l'a envoyé ce matin de Versailles pour le faire relier. Et que fait monsieur le comte de B de ce livre, lui dis-je? Est-ce qu'il lit Shakespeare ? « Oh, dit le libraire, c'est un esprit fort. Il aime les livres anglais, et ce qui lui fait encore plus d'honneur, monsieur, c'est qu'il aime aussi les anglais. En vérité, lui dis-je, vous parlez si poliment que vous forceriez presque un anglais par reconnaissance à dépenser quelques louis dans votre boutique. » Le libraire fit une inclination, et allait probablement dire quelque chose lorsqu'une jeune fille d'environ 20 ans, fort décemment mise, et qui avait l'air d'être au service de quelque dévote à la mode, entra dans la boutique et demanda les égarements du cœur et de l'esprit. Le libraire les lui donna aussitôt. Elle tira de sa poche une petite bourse de satin vert, enveloppée d'un ruban de même couleur. Elle la délia, et mit dedans le pouce et le doigt avec délicatesse, mais sans affectation, pour prendre de l'argent, et paya. Rien ne me retenait dans la boutique, et j'en sortis avec elle. « Ma belle enfant, lui dis-je, quel besoin avez-vous des égarements du cœur? À peine savez-vous encore que vous en avez un? Jusqu'à ce que l'amour vous l'ait dit, ou qu'un berger infidèle lui ait causé du mal. Dieu m'en garde, répondit-elle. Oui, vous avez raison, votre cœur est bon. Et ce serait dommage qu'on vous le dérobât. C'est pour vous un trésor précieux. Il vous donne un meilleur air que si vous étiez paré de perles et de diamants. » La jeune fille m'écoutait avec une attention docile, et elle tenait sa bourse par le ruban. « Elle est bien légère, lui dis-je en la saisissant, et aussitôt elle l'avança vers moi. « Il y a bien peu de choses dedans, continuai-je, mais soyez toujours aussi sage que vous êtes belle, et le ciel la remplira. » J'avais encore dans la main 5 ou 6 écus que j'avais pris pour acheter Shakespeare. Elle m'avait tout à fait laissé aller sa bourse, et j'ai mis un écu. Je l'enveloppai du ruban et je la lui rendis. Elle me fit sans parler une humble inclination. Je ne me trompais pas à ce qu'elle signifiait. C'était une de ces inclinations tranquilles et reconnaissantes où le cœur a plus de part que le geste. Le cœur sent le bienfait et le geste exprime la reconnaissance. Je n'ai jamais donné un écu à une fille avec plus de plaisir. Mon avis ne vous aurait servi à rien, ma chère, sans ce petit présent. Mais quand vous verrez l'écu, vous vous souviendrez de la vie. N'allez pas le dépenser en ruban. Je vous assure, monsieur, que je le conserverai. Et elle me donna la main. Oui, monsieur, je le mettrai à part. Une convention vertueuse qui se fait entre hommes et femmes semble sanctifier toutes leurs démarches. Il était déjà tard et faisait obscur. Malgré cela, comme nous allions du même côté, nous n'eûmes point de scrupule d'aller ensemble le long du quai de Conti. Elle me fit une seconde inclination en partant, et nous n'étions pas encore à 20 pas que, croyant n'avoir pas assez fait, elle s'arrêta pour me remercier encore. « C'est un petit tribut, lui dis-je, que je n'ai pu m'empêcher de payer à la vertu. Je serais au désespoir si la vertu de la personne ne répondait pas à l'hommage que je viens de lui rendre. Mais l'innocence, ma chère, est peinte sur votre visage. Valeur à celui qui essaierait de lui tendre des pièges. » Elle parut extrêmement sensible à ce que je lui disais. Elle fit un profond soupir, je ne lui en demandai pas la raison, et nous gardâmes le silence jusqu'au coin de la rue Guénégaud, où nous devions nous séparer. « Est-ce ici le chemin, lui dis-je, ma chère, de l'hôtel de Modène ?»« Oui, mais on ne peut y aller aussi par la rue de Seine. Eh bien, j'irai donc par la rue de Seine pour deux raisons. D'abord, parce que cela me fera plaisir, et ensuite, pour vous accompagner plus longtemps. » En vérité, dit-elle, je souhaiterais que l'hôtel fût dans la rue des Saints-Pères. C'est peut-être là que vous demeurez, lui dis-je. Oui, monsieur, je suis femme de chambre de madame de R. Bon Dieu, m'écriai-je, c'est précisément la dame pour laquelle on m'a chargé d'une lettre à Amiens. Elle me dit que madame de R attendait effectivement un étranger qui devait lui remettre une lettre, et qu'elle était fort impatiente de le voir. Eh bien, ma chère enfant, dites-lui que vous l'avez rencontré. Assurez-la de mes respects et que j'aurai l'honneur de la voir demain matin. C'est au coin de la rue de Guénégaud que nous disions tout cela. Nous étions arrêtés. La jeune fille mit les 2 volumes qu'elle venait d'acheter dans ses poches, et je lui prêtai pour cela mon secours. Qu'il est doux de sentir la finesse des fils qui lient nos affections. Nous nous remîmes encore en marche, et nous n'avions pas fait 3 pas qu'elle me prit le bras. J'allais lui dire, mais elle le fit d'elle-même avec une simplicité peu réfléchie, et sans songer qu'elle ne m'avait jamais vu. Pour moi, je crus sentir vivement en ce moment les influences de ce qu'on appelle la force du sang, que je la fixais pour voir si je ne pouvais pas trouver en elle quelque ressemblance de famille. « Et ne sommes-nous pas, dis-je, tous parents ?» Arrivé au coin de la rue de Seine, je m'arrêtai pour lui dire adieu. Elle me remercia encore, et pour ma politesse, et pour lui avoir tenu compagnie. Nous avions quelque peine à nous séparer. Cela ne se fit qu'en nous disant adieu 2 fois. Notre séparation était si cordiale que je l'aurais scellée, je crois, en tout autre lieu, d'un baiser aussi saint, aussi chaud que celui d'un apôtre. Mais à Paris, les baisers ne se donnent guère, du moins publiquement, qu'entre femmes et qu'entre hommes. Je fis mieux. Je priai Dieu de la bénir. Chapitre 39. Le passeport. De retour à l'hôtel, la fleur me dit qu'on était venu de la part de monsieur le lieutenant de police, pour s'informer de moi. Diable, dis-je, j'en sais la raison, et il est temps d'en informer le lecteur. J'ai omis de mettre cette partie de l'histoire dans l'ordre qu'elle est arrivée. Je ne l'avais pas oubliée, mais j'avais pensé en écrivant qu'elle serait mieux placée ici. J'étais parti de Londres avec une telle précipitation que je n'avais pas songé que nous étions en guerre avec la France. J'étais déjà arrivé à Douvres, déjà je voyais par le secours de ma lunette d'approche les hauteurs qui sont au-delà de Boulogne, que l'idée de la guerre ne m'était pas plus venue à l'esprit que celle qu'on ne pouvait pas aller en France sans passeport. Aller seulement au bout d'une rue, et m'en retourner sans avoir rien fait est pour moi une chose pénible. Le voyage que je commençais était le plus grand effort que j'eusse fait jamais pour acquérir des connaissances, et je ne pouvais supporter l'idée de retourner à Londres sans remplir mon projet. On me dit que le comte d'H avait loué le paquebot. Il était logé dans mon auberge, j'étais légèrement connu de lui, et j'allais le prier de me prendre à sa suite. Il ne fit point de difficulté, mais il me prévint que son inclination à m'obliger ne pourrait s'étendre que jusqu'à Calais, parce qu'il était obligé d'aller de là à Bruxelles. Mais arrivé à Calais, me dit-il, vous pourrez sans crainte aller à Paris. Lorsque vous y serez, vous chercherez des amis pour pourvoir à votre sûreté. Monsieur le comte, lui dis, je me tirerai alors d'embarras. Je m'embarquai donc, et je ne songeai plus à l'affaire. Mais quand la fleur me dit que monsieur le lieutenant de police avait envoyé, je sentis dans l'instant de quoi il était question. L'hôte monta presque en même temps pour me dire la même chose, en ajoutant qu'on avait singulièrement demandé mon passeport. J'espère, dit-il, que vous en avez un. Moi, non, en vérité, lui dis-je, je n'en ai pas. Vous n'en avez pas? Et il se retira à trois pas comme s'il eût craint que je ne lui communiquât la peste. La fleur, au contraire, avança trois pas avec cette espèce de mouvement que fait une bonne âme pour venir au secours d'une autre. Le bon garçon gagna tout à fait mon cœur. Ce seul trait me fit connaître son caractère aussi parfaitement que s'il m'avait déjà servi avec zèle pendant 7 ans. Et je vis que je pouvais me fier entièrement à sa probité et à son attachement. « My lord !» s'écria l'hôte. Mais se reprenant aussitôt, il changea de ton. « Si monsieur, dit-il, n'a pas de passeport, il a apparemment des amis à Paris qui peuvent lui en procurer un. Je ne connais personne, lui dis-je avec un air indifférent. Eh bien, monsieur, en ce cas-là, dit-il, vous pouvez vous attendre à vous voir fourrer à la Bastille, ou pour le moins au Châtelet. Oh, dis-je, je ne crains rien. Le roi est rempli de bonté, il ne fait de mal à personne. Vous avez raison, mais cela n'empêchera pourtant pas qu'on ne vous mette à la Bastille demain matin. J'ai loué, repris-je, votre appartement pour un mois, et je ne le quitterai pas avant le temps, quand le roi même me le dirait. La fleur vint me dire à l'oreille, « Monsieur, mais personne ne peut s'opposer au roi. Parbleu, dit l'hôte, il faut avouer que ces messieurs anglais sont des gens bien extraordinaires. » Et il se retira en grommelant. Chapitre 40. Le Sansonnet. Je ne montrai tant d'assurance à l'autre que pour ne point chagriner la fleur. J'affectai même de paraître plus gai pendant le souper, et de causer avec lui d'autres choses. Paris et l'opéra comique étaient déjà pour moi un sujet inépuisable de conversation. La fleur, sans que je le susse, avait aussi vu le spectacle, et il m'avait suivi en sortant jusqu'à la boutique du libraire. Il ne m'avait quitté de vue que quand il aperçut que je causais avec la jeune fille, et que j'allais avec elle le long du quai. Les réflexions qui lui vinrent sur cette entrevue l'empêchèrent de me suivre. Il prit le chemin le plus court pour revenir à l'hôtel, et il avait appris toute l'affaire de la police avant que j'arrivasse. Il n'eut pas sitôt ôté le couvert que je lui dis de descendre pour souper. Je me livrai alors aux plus sérieuses réflexions sur ma situation. « Oh, c'est ici, mon cher ami, qu'il faut que je vous rappelle la conversation que nous eûmes ensemble presque au moment de mon départ. Vous saviez que je n'étais pas plus chargé d'argent que de réflexion. Vous me demandâtes combien j'avais. Je vous montrai ma bourse. Eh, mon cher Yorick, tu t'embarques avec si peu de choses. Tiens, tiens, augmente tes guinées de toutes celles que j'ai. Et j'en ai assez des miennes. Je t'assure que non. Je connais mieux que toi le pays où tu vas voyager. » Cela peut être, mais je ne suis pas un autre. Je ne ferai pas 3 jours à Paris sans faire quelque étourderie qui me fera mettre à la Bastille, où je vivrai 1 ou 2 mois entièrement aux dépens du roi. Oh, j'avais réellement oublié cette ressource, me dites-vous sèchement. L'événement dont j'avais badiné allait probablement se réaliser. Mais soit folie, indifférence, philosophie, opiniâtreté ou je ne sais quelle autre cause, j'eus beau réfléchir sur cette affaire, Je ne puis y penser que de la même manière dont j'en avais parlé au moment de mon départ. La Bastille, mais la terreur est dans le mot, et qu'on en dise ce qu'on voudra, ce mot ne signifie autre chose qu'une tour, et une tour ne veut rien dire de plus qu'une maison dont on ne peut pas sortir. Que le ciel soit favorable aux goutteux, mais ne sont-ils pas dans ce cas deux fois l'an? Oh, avec 9 francs par jour, des plumes, de l'encre, du papier, de la patience, on peut bien garder la maison pendant 1 mois ou 6 semaines sans sortir. Que craindre quand on n'a point fait de mal? On en sort que meilleur et plus sage. Il serait à souhaiter que toutes nos imprudences tournassent aussi favorablement. C'est gagné au lieu d'être puni. La tête pleine de ces réflexions, enchanté de mes idées et de mon raisonnement, je descendis dans la cour pour prendre l'air. Je déteste, me disais-je, les pinceaux sombres, et je n'envie point l'art triste de peindre les maux de la vie avec des couleurs aussi noires. L'esprit s'effraie d'objets qu'il s'est grossi et qu'il s'est rendu horrible à lui-même. Dépouillez-les de tout ce que vous y avez ajouté. On n'en fait aucun cas. Je sais cependant, continuai-je, que la Bastille est un désagrément. Mais ôtez-lui ses tours, comblez ses fossés et ouvrez ses portes. Figurez-vous que ce n'est simplement qu'un asile de contraintes, et supposez que c'est quelque infirmité qui vous y retient, alors le mal s'évanouit et vous le souffrez sans vous plaindre. Je me disais tout cela quand je fus interrompu, au milieu de mon soliloque, par une voix qui se plaignait de ce qu'on ne pouvait sortir. Je regardai sous la porte cochère, je ne vis personne, et je revins dans la cour sans faire la moindre attention à ce que j'avais entendu. Mais à peine y fus-je revenu que la même voix répéta 2 fois les mêmes expressions. Je levai les yeux, et je vis qu'elle venait d'un Sansonnet qui était renfermé dans une petite cage. « Je ne peux pas sortir, je ne peux pas sortir, » disait le Sansonnet. Je me mis à contempler l'oiseau. Plusieurs personnes passèrent sous la porte, et il leur fit les mêmes plaintes de sa captivité, en volant de leur côté dans sa cage. « Je ne peux pas sortir. »« Oh, je vais à ton aide, » m'écriai-je. « Je te ferai sortir, coûte qu'il coûte. » La porte de la cage était du côté du mur, mais elle était si fortement entrelacée avec du fil d'arcal qu'il était impossible de l'ouvrir sans mettre la cage en morceaux. J'y mis les 2 mains. L'oiseau volait d'un endroit à l'autre, il passait sa tête à travers le treillis, et il pressait son estomac comme s'il était impatient. « Je crains bien, pauvre petit captif, lui disais-je, de ne pouvoir te rendre la liberté. Non, dit le Sansonnet, je ne peux pas sortir, je ne peux pas sortir. » Jamais mes affections ne furent plus tendrement agitées. Jamais dans ma vie aucun accident m'a rappelé plus promptement mes esprits dissipés par un faible raisonnement. Les notes n'étaient proférées que machinalement, mais elles étaient si conformes à la nature qu'elles renversèrent en un instant tout mon plan systématique sur la Bastille. Et le cœur appesanti, je remontai l'escalier avec des pensées bien différentes de celles que j'avais eues en descendant. « Déguise-moi comme tu voudras, tranquille esclavage, » disais-je, « tu n'es qu'une coupe amère, et quoique des millions de mortels dans tous les siècles aient goûté de ta liqueur, tu n'en es pas moins désagréable. C'est toi, ô charmante déesse, que tout le monde adore en public ou en secret. C'est toi, aimable liberté, qui est délicieuse, et qui le sera toujours jusqu'à ce que la nature soit changée. Nulle teinture ne peut ternir ta robe de neige. Il n'y a point de puissance chimique qui puisse changer ton sceptre en fer. Le berger qui jouit de ses faveurs est plus heureux en mangeant sa croûte que le monarque de la cour duquel il est exilé. Ciel, m'écriai-je en tombant à genoux sur la dernière marche de l'escalier, accorde-moi avec la santé et la liberté pour compagne. Et verse des mitres sur la tête de ceux qui les ambitionnent. Chapitre 41. Le captif. L'idée du Sansonnet en cage me suivit jusque dans ma chambre. Je m'approchai de la table, et la tête appuyée sur ma main, toutes les peines d'une prison se retracèrent à mon esprit. J'étais disposé à réfléchir, et je donnais carrière à mon imagination. Je commençais à considérer combien il y avait de millions d'âmes qui gémissaient dans l'esclavage. Mais cette peinture, quelque touchante qu'elle fût, ne rapprochait pas assez les idées de la situation où j'étais, et la multitude de ces tristes groupes ne faisait que me distraire. Je me représentais donc un seul captif, renfermé dans un cachot. Je le regardais à travers de sa porte grillée, pour faire son portrait à la faveur de la lueur sombre qui éclairait son triste souterrain. Je considérais son corps à demi usé par l'ennui de l'attente et de la contrainte, et j'ai senti cette espèce de maladie de cœur qui provient de l'espoir différé. Je le vis, en l'examinant de plus près, presque entièrement défiguré. Il était pâle et miné par la fièvre. Depuis 30 ans, son sang n'avait point été rafraîchi par le vent oriental. Il n'avait vu ni le soleil ni la lune pendant tout ce temps. Ni amis ni parents ne lui avaient fait entendre les doux sons de leur voix à travers ces grilles, ces enfants. Mon cœur commença à saigner. Je détournai les yeux, et un instant après mon imagination se le représenta assis sur un pot de paille, dans le coin le plus reculé du cachot. C'était alternativement son lit et sa chaise. Il avait la main sur un calendrier qu'il s'était fait avec des petits bâtons, où il avait marqué par des entailles les tristes jours qu'il avait passés dans cet affreux séjour. Il prit de ses petits bâtons, et avec un clou rouillé, il ajouta par une entaille un autre jour au nombre de ceux qui étaient passés. J'obscurcissais le peu de lumière qu'il avait. Il leva les yeux langoureux vers la porte, secoua la tête et continua son funeste travail. Ses chaînes, en mettant son petit bâton sur le tas des autres, se firent entendre. Il poussa un profond soupir. Son âme était toute remplie d'amertume. Ciel, ô ciel, m'écriai-je en fondant en larmes, je ne pus soutenir l'idée de cet affreux tableau. Je me levai en sursaut, j'appelai la fleur et je lui ordonnai d'avoir le lendemain matin un carrosse de remise à 9 heures précises. J'irai, dis-je, me présenter directement à monsieur le duc de C. La fleur m'aurait volontiers aidé à me mettre au lit, mais je connaissais sa sensibilité et je ne voulus pas lui faire voir mon air triste et sombre. Je lui dis que je me coucherai seul. Chapitre 42. Anecdote. Je montai dans mon carrosse à l'heure indiquée. La fleur se mit derrière et je dis au cocher de me mener à Versailles le plus grand train qu'il pourrait. Le chemin ne m'offrit rien de ce que je cherche ordinairement en voyageant. Je pourrais, pourtant, aussi bien qu'un autre, donner la description de Chaillot, de Passy, des bons hommes, de Sèvres, de Viroflay et des autres endroits que j'ai vus en courant. Mais j'aime mieux remplir le vide par l'histoire abrégée de mon Sansonnet. C'est un abrégé historique qu'il y aura de plus. Qu'y faire? Milord, elle, attendait un jour que le vent devint favorable pour passer de Douvres à Calais. Son laquais, en se promenant sur les hauteurs, attrapa le Sansonnet avant qu'il pût voler. Il le mit dans son sein, le nourrit, le prit en affection et l'apporta à Paris. Son premier soin, en arrivant, fut de lui acheter une cage qui lui coûta 24 sols. Il n'avait pas beaucoup d'affaires. Et pendant les 5 mois que son maître reste à Paris, il apprit au Sansonnet les 4 mots auxquels j'ai tant d'obligation. Lorsque Mylord partit pour l'Italie, son laquais donna le Sansonnet et la cage à l'hôte, mais son petit patois en faveur de la liberté étant étranger, on ne faisait guère plus de cas de ce qu'il disait que de lui. La fleur offrit une bouteille de vin à l'hôte, et l'hôte lui donna le Sansonnet et la cage. Je l'emportai avec moi et lui fis revoir son pays natal. Je racontai son histoire au Lord A, et le Lord A me pria de lui donner l'oiseau. Quelques semaines après, il en fit présent au Lord B. Le Lord B le donna au Lord C, l'écuyer du Lord C, le vendit au Lord D pour 1 shilling, et le Lord D le donna au Lord E, et mon Sansonnet fit ainsi le tour de la moitié de l'alphabet parmi les Mylords. De la chambre des pairs, il passa dans la chambre des communes, où il ne trouva pas moins de maîtres. Mais comme tous ces messieurs voulaient entrer dedans, et que le Sansonnet, au contraire, ne demandait qu'à sortir, il fut presque aussi méprisé à Londres qu'à Paris. Voilà souvent ce que produit la manie de ne pas penser comme les autres. Plusieurs de mes lecteurs ont assurément entendu parler de lui, et si quelqu'un par hasard l'a vu, je le prie de se souvenir qu'il m'a appartenu. Je ne l'ai plus, mais je le porte pour cimier de mes armoiries. Que les héros d'armes lui tordent le col s'il l'ose.